que t'es épuisé. T'as vu le mort, t'as vu le sang. T'as vu ces corps en 6 mois qui se vident de sang. Sors dehors, prends les meilleures lunettes et tu es stupide. Regarde tes yeux ébahis, ce ciel si beau, si grand. Ces grands espaces si jolis dans ces nuages. Pour soulager ton cœur, tu peux pleurer aussi. Il est 23h53 et moi je pense encore à toi. Et puis surtout, vous nous aime dans l'attente d'une splendeur éternelle. Sors de là, Dieu, et crois-moi.